les plastiques en silicium et en carbone, c'est parler comme nous. T'as peur de tout. Ma copine est toute pour les plastiques en silicium et en carbone, c'est me protéger, m'encourager. Mais casser la gueule à ceux, qui font chier. Et en carbone, elle est toujours d'impec. Elle n'a pas besoin de la recharger. Ma copine est une poupée plastique en silicium. Et en carbone, elle est avec du buzz. Jamais. Ma copine est poupée plastique en silicium et en carbone. Elle a même le droit de voter. Ce sont mes connaissances. C'est mes voix. Elle